Le spectacle de la troupe de propagande artistique centrale de la jeunesse, consacrée au 85e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de Corée, a eu lieu le 25 courant sur la place du Palais des Sports de Pyongyang, sous thème « La victoire de génération en génération ». Les numéros étaient variés, tels que le chœur « Vive le généralissime Kim Il-sung », l'ensemble vocal masculin « La marche de la guérilla », le quatuor d'instruments à tube « Au combat à mort », le quatuor vocal masculin « Les fiertés des troupes Kuni », etc.